Voici l'humeur de Guillaume. Oui, si, c'est bon. Ah. Bonjour les amis. Non. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a une cinquantaine de jours, je me suis... Quoi ? Cinquaine ? Oui, laissez-moi tranquille. Je me suis maté un documentaire sur les origines de l'homme, l'une de mes grandes passions avec les Snuff Movies, et le tour du Qatar en moonwalk, en alternance. Ah, vraiment, si j'étais pas une petite main de plus dans l'industrie du gag radiodiffusé, je me passerais ma vie à regarder ça. En fait, mes journées seraient scandées pareil, quoi. Documentaire, Doritos, documentaire, frites, frites, Doritos, documentaire, documentaire, frites, frites, Doritos, et ainsi de suite, jusqu'à ce que mes artères aient des tronches de Kinder Bueno. Mais ce docu-ci ne m'a pas servi qu'à mitonner ma thrombose. Non ! Et là, je vais vous choquer, ça m'a fait réfléchir. Et je savais que ça vous n'étiez pas prêt pour cette information. Mais c'est vrai, c'est important. Il faut savoir d'où on vient pour comprendre où on va. Où on va. Et elle est définitive, vraiment, cette phrase. Et encore, ce n'est pas ma préférée de Luc Alphand. Il y a aussi celle sur les pistes noires et la sensualité des Yétis. Et c'est tellement hors contexte ici. Enfin bref, rien que pour savoir comment fonctionne l'esprit humain, c'est essentiel de revenir aux origines. Vous savez, par exemple, M. Simès, quelle est la partie du cerveau qui est activée chez les Français quand ils répondent « Je préfère tellement Michel Simès à Nagui » chaque fois qu'on leur demande quel est leur animateur préféré ? La lucidité. Entre autres. Voilà. C'est ça. C'est pas uniquement lié aux ennuis judiciaires de Nagui. Le bon goût des téléspectateurs. Non, mais si on creuse bien, on se rend compte que cet agencement du cerveau est aussi lié d'une manière ou d'une autre à l'ADN qui gorge nos cellules et qu'on doit tous autant que nous sommes, à nos ancêtres communs, Charles Aznavour et Lynn Renault, que la religion a poétiquement nommé Adam et Ève, et voilà, qui, bien avant la mouvance bio, ont poussé tant de couples à niquer sous les arbres en bouffant les Granny Smith. Non, c'est pas ça. En réalité, on doit tous notre ADN aux premiers Homo sapiens qui évoluaient en Afrique il y a 200 000 ans, et qui ont fini par coloniser l'Europe, Europe qui était alors uniquement peuplée par des Néandertaliens. À ce moment-là, par parenthèse, dans des campings aux installations sanitaires qu'on qualifiera pudiquement de sommaires, sachant qu'après des décennies de boulot minutieux, les paléontologues n'ont trouvé pas un seul rideau de douche sur les sites de recherche, si ces gens manquaient de pudeur. Ce qu'on a trouvé, c'est des chaussettes blanches et des bouts de Birkenstock. Hein, c'était pas une vie, hein. Alors concrètement, si l'Europe était restée aux mains des Néandertaliens, l'émission se ferait dans une grotte, on serait tous payés en viande et pas en poppers, comme maintenant. Et j'ose même pas imaginer le temps de parole qu'aurait Leïla, quoi, vraiment, quasi nul. Ma main coupée, c'est tout un pan de la littérature austro-bulgare qui aurait plus le droit de citer dans cette émission. Ce serait triste. Dommage. C'est vrai, les Néandertaliens étaient dotés d'une certaine forme d'intelligence. Un peu machiste, ouais. Comme le prouve encore chaque matin leur seul descendant direct sur Terre, bravo Daniel. Mais ça les a pas empêchés de s'éteindre lamentablement il y a 20 000 ans, laissant l'exploitation d'Euro Disney et des alentours aux seuls migrants sapiens, nos grands mamies et nos grands papis, à tous. Voilà, alors sans le matériel génétique de nos 10 000 ancêtres africains, ceux qui ont donné naissance à toute l'humanité en se propageant sur Terre comme une ch'touille dans un camp de nudistes, on aurait probablement eu ni Dieu, ni Jocon, ni Einstein, ni Zizou, ni Hamon, ni Mélenchon, ni Macron, ni Fillon, ni Le Pen, ni FN, ni Jackie, ni Michel, ni quoi que ce soit de cet ordre. C'est vrai, on se déplacerait encore par groupe de 11 à courser les vachettes pour les saigner à la en pointe et à la prémolaire, voilà, nos vies, ce serait Interville, quoi, putain. On est encore plus glauque. Vraiment. D'un point de vue de la réussite de notre espèce et de la gratitude qui est censée en découler, il n'y a pas une région du monde qui mériterait plus d'égards que l'Afrique. C'est vrai, on devrait bichonner ce continent, on devrait lui reverser une partie de nos salaires, on devrait organiser 3 Coupes du Monde sur 4 là-bas. C'est vrai, le fait qu'au moment où on se parle, il y ait 20 millions de personnes qui soient menacées par une famine monstrueuse dans la Corne de l'Afrique, ça devrait nous chatouiller un petit peu plus que ça, quoi. Parce que là encore, sans sapiens africains, il y a 200 000 ans, pas de France Inter, pas de billettiste gaucho-moralisateur et professionnel de l'indignation stérile qui se pique de dénoncer la famine alors qu'il a lui-même un corps dégueulasse au bord du surpoids. Et si vous ne me croyez pas, je vous enlève mon t-shirt maintenant. Parce que oui, tout est dans tout, tout est dans tout, sans vouloir surexploiter l'exemple de Jackie et Michel. Vire l'Afrique, on en vient tous. On en vient tous de l'Afrique. Et là, c'est plus urgent que jamais de s'en rappeler, quoi. Moi, sur ce, je vais me faire une ration de Doritos. À moi, les bonnes émissions, les amis. Merci. Guillaume Louis. France Inter. Nagui. La bande originale.